Un naufrage par Charles Dickens. C'était le 5 novembre 1821. Le vent du nord-ouest, qui s'était levé dès le matin, soufflait avec violence. Les bateaux de pêche, les navires charbonniers et les autres bâtiments qui fréquentaient ses bords, tous les habitants étaient à leurs fenêtres, regardaient les vaisseaux qui s'entassaient dans le port. On apercevait au loin des hommes placés sur les hauteurs, où le vent leur permettait à peine de se tenir, et qui cherchaient à reconnaître quel bâtiment était au large et quel danger les menaçait. Chacun était sous l'impression d'une même pensée de tristesse. Sur cette côte, en effet, où ce vent, quand il est dans sa force, pousse d'une manière irrésistible tant de navires en dérive sur les rochers qu'il aborde, arrivèrent bientôt en foule, cherchant un abri dans les ports de Scarborough et de Philae. Car ceux-là passés, excepté Burlington, qui présente même un refuge moins sûr, il ne s'en trouve plus que de très éloignés sur la côte. Le jour se levait sombre et menaçant. Un tel jour ne devait pas se passer sans de terribles accidents. Dès midi, la mer roulait d'immenses vagues qui lançaient leur écume sur le haut des rochers, tandis que les vents déchaînés remplissaient l'air de leur redoutable mugissement. Bien des navires arrivaient à grand-peine jusqu'au port, après avoir, grâce aux efforts multipliés des équipages, éviter le danger d'être jeté et brisé à la côte. Parmi les bateaux de pêche qui cherchaient un asile dans la baie de Philae, il en était un qui appartenait à un jeune homme nommé George Joliffe. Par son activité et au moyen du peu que lui avait laissé son père, pêcheur comme lui, George était devenu le maître d'une barque montée par 5 hommes et avec laquelle il faisait assez bien ses affaires. Cette barque était tout son bien. Aussi, quelquefois, durant les longues heures de la nuit, et regardant la mer où ses filets étaient jetés, il songeait à ce qu'il deviendrait lui-même s'il arrivait quelque malheur à la belle Suzanne. La barque avait été baptisée ainsi du nom de sa femme, et quand il se représentait, au milieu de leur petit logis si propre et si gai, situé dans une des ruelles de Scarborough, sa belle et bonne Suzanne avec ses 2 enfants, il ne pouvait se défendre d'une invincible terreur à l'idée qu'un accident pouvait arriver à sa barque. Heureusement, ces pensées-là n'étaient que passagères et ne faisaient que le rendre plus actif et plus vigilant. Il était depuis quelques jours alors au banc de Dagger, occupé à pêcher la morue, lorsque l'état du ciel lui présagea un orage prochain. Aussitôt il leva ses filets, borda ses voiles et gouverna vers le port avec son adresse habituelle. Il ne tarda pas à se voir imité par les autres pêcheurs qui se trouvaient dans ces parages, et toutes les barques se dirigèrent en même temps vers la côte. Mais avant qu'il eût aperçu la terre, le vent s'était levé avec violence, et au moment où il approchait du rivage, il acquit la certitude qu'il ne pourrait pas gagner le port de Scarborough, trop heureux d'entrer dans celui de Philae. Vers l'après-midi du 5 novembre, il put enfin s'y mettre à l'abri après de prodigieux efforts, et il jeta l'ancre au milieu des autres navires étrangers. Fatigués, couverts d'eau, épuisés par leurs longs efforts, ses 4 compagnons montaient avec lui au village de Philae, quand leur attention fut excitée soudain par une foule de matelots et de pêcheurs rassemblés au pied du phare et qui, au milieu de l'émotion générale, tenaient leurs lunettes fixées du côté de la mer. Ils se retournèrent aussitôt et en aperçurent la cause. Un beau navire marchand sans voile, et n'obéissant probablement plus au gouvernail, roulait, emporté par les vagues, et se laissait aller à la dérive vers un groupe de rochers à pic entourés par la mer, et que l'on nomme le Spictan, écueil funeste sur lequel sont venus se briser tant de vaisseaux. Rien ne peut les sauver maintenant, dirent quelques voix avec un calme apparent, quand l'étranger eut pris pour une preuve d'insensibilité. Déjà, cependant, on pouvait apercevoir un mouvement dans la foule. George Joliffe et ses compagnons comprirent ce que cela voulait dire. Plusieurs de ces braves gens se disposaient à essayer de sauver ceux qui se trouvaient à bord du navire, que nulle puissance humaine ne pouvait arracher à sa perte. Il y avait certes peu d'espoir pour les passagers, car le rocher avait plusieurs milles de longueur et présentait dans toute son étendue un mur perpendiculaire haut de 200 pieds contre lequel venait se précipiter la mer avec de sourds mugissements. Quoique accablé de fatigue, George résolut sur le champ de se joindre à ceux qui voulaient porter secours, s'il était possible, à cette foule épouvantée qui se tenait sur le pont du navire, ou lui donnait du moins la satisfaction de voir que ceux qui, plus fortunés, venaient de toucher la terre, ne restaient pas indifférents à son malheureux sort. Se précipitant alors dans un cabaret voisin, il but une pinte de bière, prit un morceau de pain et de fromage, et sauta dans une charrette qui se dirigeait vers le rivage portant déjà un grand nombre de pêcheurs. Un seul homme de son équipage avait consenti à l'accompagner, c'était son plus jeune frère. Les trois autres avaient déclaré qu'ils étaient à demi-morts de fatigue et ils restèrent en arrière. La charrette allait d'un train désespéré, et beaucoup de gens suivaient la même route avec une égale vitesse. Pendant ce temps-là, une foule de jeunes marins à pied couraient le long des rochers, ayant pris le chemin le plus court pour arriver sur le lieu de la catastrophe. Georges et ceux avec qui il était atteignirent un point où ils laissèrent la charrette et s'avancèrent vers le ribage, portant des rouleaux de cordes et des vêtements pour les naufragés. De temps en temps, on entendait le bruit du canon de détresse que tirait le navire en danger. Pendant un certain moment, on put penser que la foule qui était sur le pont avait l'espoir d'amener le vaisseau à l'abri de la terre et de jeter l'ancre alors. Mais la terrible réalité de leur situation venait évidemment d'éclater aux yeux des victimes, et les spectateurs du désastre se précipitaient vers les rochers avec une anxiété plus grande, à mesure que les grondements successifs du canon d'alarme venaient frapper leurs oreilles. Quand Joliffe et ses compagnons eurent gagné le haut des rochers, le soir approchait. Le vent soufflait toujours avec violence, et la mer ne présentait aux yeux qu'un vaste chaos. La foule regardait le navire dans un sombre silence, au milieu du bruit des flots et des vents. Un des mâts était tombé, brisé sur le pont, où on n'apercevait plus que quelques personnes. Dans une attitude suppliante, elles tendaient leurs mains vers les marins placés sur le rocher pour solliciter ce secours que l'on désespérait de leur donner. Au moment où le navire, ainsi abandonné, approchait les rochers, il rencontra un violent reflux des vagues qui reculaient brillamment après avoir frappé la terre. Il se pencha alors sur le côté, ballotté dans tous les sens sans pouvoir se diriger. Les vagues venaient balayer le pont, et les passagers disparaissaient en poussant des cris qui se faisaient entendre même au milieu de la tempête. Les spectateurs réunis sur le rivage frémissaient d'horreur et sentaient que leur présence allait devenir inutile. Cependant, ils ne pouvaient détacher les yeux de cet affreux spectacle. Comme poussés par une force étrange, ils contemplaient avec une morne terreur ce navire que chaque instant rapprochait de sa perte, quand tout à coup, ils distinguèrent un vieillard, la tête nue, ses cheveux blancs ruisselants d'écume, cramponnés au grand mât, les mains tournées vers le ciel et les yeux fixés sur eux, comme s'il eût encore l'espoir qu'on allait le sauver. Une émotion soudaine parcourut la foule. Le vaisseau s'éleva au-dessus des vagues, puis disparut dans l'abîme à peu de distance du rocher. Quelques secondes encore et c'en était fait. Des cordes furent jetées du rivage, mais la trop grande distance et la fureur du vent les empêchaient d'atteindre le but. Elles retombaient le long de la côte et aucune n'arrivait à portée du bâtiment. On ne se décourageait pas cependant et l'une d'elles put enfin être saisie par le vieillard. À cette vue, un cri général se fit entendre, quoique la position fût trop affreuse pour permettre une faible espérance. Le navire arrivait sur les rochers. Un pas de plus et il s'y brisait. Tous les yeux s'efforçaient de voir si le malheureux était parvenu à fixer la corde autour de lui. Il cherchait évidemment à le faire, tout en se tenant encore au mât, de peur d'être enlevé par la prochaine vague. Mais ses forces paraissaient épuisées. De différents côtés on murmurait ces mots, « Il n'y parviendra jamais ». En ce moment, une nouvelle vague vint le couvrir en rugissant. Il tenait toujours le mât embrassé. Comme elle se retirait, il passa son bras sur son visage comme pour ôter l'eau de ses yeux et il regarda le ciel. Il tenait convulsivement entre ses mains la corde qu'on lui avait jetée, trop faible hélas, pour l'attacher à sa ceinture. Au même instant, le navire était précipité sur les rochers avec un bruit terrible et se balançant en arrière, il retombait à demi enseveli dans l'abîme. Puis, par une impulsion dernière, il se rejetait en avant. Le grand mât tombait avec fracas et la coque semblait s'ouvrir tout entière. On vit alors la sombre poupe du vaisseau se dresser encore une fois au-dessus des flots, puis disparaître enfin dans la profondeur de la mer, ne laissant que des morceaux informes et des débris flottants poussés par la vague frémissante sur ce rivage inhospitalier. Le lendemain matin, le vent était tombé et aux premières lueurs de jour, de nombreux bateaux sortirent du port pour chercher si l'on pourrait recueillir quelque objet rejeté par les eaux. Georges fut un des premiers partis. La figure, les traits du vieillard qu'il avait vu la veille, étaient restés gravés dans sa pensée. Il y avait rêvé toute la nuit, et pendant que les autres marins étaient occupés à chercher quelques butins, il ne put s'empêcher de jeter ses regards au loin pour tâcher d'apercevoir quelques mâts flottants. Quoique le vent se fût calmé, la mer était restée houleuse et il était dangereux d'approcher des rochers. Les autres bateaux étaient restés à recueillir tout ce qu'ils pouvaient sauver du naufrage. Georges seul cherchait encore le mât et il l'aperçut bientôt enfin, mais à une distance considérable. Il fit aussitôt voile de ce côté et s'assura qu'il ne se trompait pas. En effet, ses compagnons virent comme lui non seulement une corde qui entourait une des extrémités du mât, mais un bras qui semblait l'étreindre dans un suprême effort. Joliffe laissa dériver son bateau dans cette direction, et en deux coups de rame, il se trouva auprès du morceau de bois flottant. Après beaucoup de peine causée par l'agitation de la mer, il parvint à assujettir un lien au poignet du noyé, et d'un coup de hache, il coupa la corde qu'il attachait au mât. Ils hissèrent alors dans le bateau le corps de celui qui, la nuit précédente, avait en vain imploré leur secours pendant l'orage. Quand ils le virent étendu sur le pont, ils furent étonnés de sa taille et de la dignité de sa personne. Ce n'était pas, comme il leur avait semblé, du haut des rochers, un homme de petite taille. Il avait au contraire à peu près 6 pieds et paraissait d'une force remarquable. Quoique âgé de 70 ans au moins, il avait une noblesse dans les traits, une expression de vive intelligence qui les frappa. « C'est là un vrai gentilhomme, » dit Georges, « il y aura quelque part du chagrin à cause de lui. » Tout en parlant, il remarqua que le vieillard portait au doigt quelques bas ornés de pierreries. Il les lui ôta soigneusement en disant à ses hommes « Vous voyez combien il y en a ?» et il les plaça dans sa poche. Il vit aussi qu'il avait un sac de cuir attaché au milieu du corps par une forte ceinture. Il la détacha et trouva dedans un gros paquet cacheté et enveloppé de toile cirée ainsi qu'un papier plié avec le plus grand soin et qui, étant mouillé, lui donna quelque peine à ouvrir. Ce papier contenait l'adresse d'une grande maison de commerce à Hull. « Ces choses-là, dit Georges, je les remettrai moi-même aux négociants. »« Et notre part ?» s'écrièrent ses compagnons. « Ceci n'appartient ni à moi ni à vous, dit Georges. « S'il nous arrive quelques bénéfices pour avoir rempli un devoir, vous le partagerez. « Quant à ces objets-là, je les défendrai au prix de ma vie, si c'est nécessaire. « Et maintenant, voyons s'il y a autre chose à emporter. » Les hommes qui, au premier mot, avaient laissé éclater leur mauvaise humeur, reprirent leur gaieté en entendant la fin et recommencèrent leurs recherches. Ils attachèrent le mât à leur bateau et en quelques heures, ils se trouvèrent en possession d'un butin considérable. Joliffe leur dit que pour prévenir toute intervention de la police ou du maître du port dans les affaires du vieillard, il avait l'intention de débarquer près de Filet et qu'il fallait diriger la barque de ce côté. Il plaça le sac sous sa veste goudronnée et se fit descendre dans une partie de la baie d'où il pouvait garder la route de Hull sans être observé. Il rencontra très heureusement la voiture et le soir même, il arrivait à Hull. Le lendemain matin, il se rendit à la maison de commerce indiquée sur le papier trouvé dans le sac du noyé et il informa les chefs de ce qui était arrivé. Quand il eut dépeint la personne du mort et qu'il leur eut mis le sac avec le papier qu'il contenait, les négociants semblèrent frappés d'une muette terreur. Ils se regardèrent et enfin l'un d'eux s'écria « Grand Dieu, c'est certainement M. Oglesbord !» Ils ouvrirent le papier, conférèrent ensemble quelque temps et s'adressant à Joliffe « Vous vous êtes conduit en honnête homme !» lui dirent-ils. « Nous pouvons vous assurer que vous serez récompensé de votre noble conduite. Ces papiers sont pour nous très précieux, car nous vous dirons franchement qu'il sauvegarde d'importants intérêts. C'est hélas un événement bien triste. Un de nous va vous accompagner pour faire rendre les derniers devoirs à notre vieil et respectable ami et associé. Voici d'abord 10 livres pour vous et autant à distribuer entre vous et vos compagnons. » Georges pria le négociant de lui donner un reçu par écrit du paquet et des bagues qu'il venait de leur remettre et l'obtint sans peine. Pour abréger, nous dirons que les restes du noyé furent ensevelis dans la vieille église de Scarborough et qu'un grand nombre de personnes les plus considérables de Hull assistèrent aux funérailles. L'hiver qui suivit ces événements fut très mauvais. Avant qu'il ne fût terminé, George Joliffe lui-même avait fait naufrage. La belle Suzanne se perdit par un épais brouillard sur le rocher de Filet. Son frère se noya, et lui-même ne fut sauvé qu'à grand-peine avec un seul de ses hommes. Sa femme, frappée par ce malheur affreux, était accouchée avant terme, et minée par l'inquiétude et le chagrin, elle était restée toujours malade. George ne possédait plus rien, et il s'était engagé à bord d'un autre navire, endurant les rigueurs de l'hiver et les fatigues de cette vie de marin pour la simple portion de la semaine. On était au mois d'avril. Un dimanche, et pour sa première sortie, Suzanne prit le bras de son mari pour aller se promener à la montagne du château. Ils revenaient à leur petite maison, la malheureuse femme, pâle, épuisée par la souffrance, et traînant ses deux enfants derrière elle, quand, près de leur porte, ils aperçurent un étranger jeune et de bonne mine qui s'entretenait avec Madame Bright, leur voisine. « C'est lui, » dit Madame Bright en les voyant. « Voilà Monsieur Joliffe. » L'étranger ôta son chapeau, fit un grand salut à Monsieur Joliffe, et paraissant prendre une vive émotion, il dit à George, « Je me nomme Ankersford. » « Ah !» s'écria George, car tout ce que le nouveau venu allait lui apprendre se présenta en même temps à son esprit. « Je suis, reprit l'étranger, le fils de celui qui, après le naufrage du Dunmaud, a été recueilli par vos soins. Je voudrais avoir un moment d'entretien avec vous. » George resta un instant embarrassé, mais M. Joliffe se hâta d'ouvrir la porte et invita M. Ankersford à entrer. « Vous êtes anglais ?» dit George, quand le jeune homme fut assis. « Non, répliqua celui-ci, je suis danois, mais j'ai été élevé à Hull et je considère l'Angleterre comme une seconde patrie, patrie dont les hommes comme vous, Monsieur Joliffe, me rendraient fier quand même je n'aurais pas d'autre raison. » George rougit. Les yeux de Monsieur Joliffe étincelèrent de plaisir et d'orgueil, et elle ne prit pas la peine de le cacher. Après une courte conversation, l'étranger fut bientôt au courant des malheurs arrivés à cette pauvre famille, depuis que George avait si noblement sauvé les restes de son père et préservé ses biens. « La Providence, dit M. Ankersford, a voulu que notre reconnaissance eût son entier effet. J'étais arrêté par l'hiver à Arkhangel quand ces tristes nouvelles m'arrivèrent. Sans cela, j'aurais été ici plus tôt. Mais me voilà, et au nom de ma mère, de ma sœur et de mon frère, de ma femme, de mes associés enfin, je vous prie, M. Joliffe, d'accepter le meilleur bateau de pêche actuellement en vente dans le port de Hull. Si on en peut trouver de premier rang, on en fera construire un. Je vous demande aussi de recevoir 1000 livres comme un petit capital de garantie contre les désastres qui se rencontrent si souvent dans votre profession. Si un pareil jour se présentait encore, que ces témoignages de notre gratitude vous fassent penser que nous n'avons pas fait tout ce que nous voudrions. Envoyez alors vers nous, et vous n'en verrez pas en vain. » Il est inutile de dire le bonheur que la visite de M. Ankersford fit naître dans la petite maison et celui qui l'emporta lui-même au fond du cœur après ce devoir accompli. Madame Joliffe recouvra promptement la santé et la force, et George put bientôt contempler avec orgueil une nouvelle belle Suzanne qui déployait ses voiles sur les flots. Nous eûmes la curiosité l'autre jour de nous informer s'il y avait encore une belle Suzanne parmi les bateaux de pêche du port de Scarborough. Nous ne pûmes l'y découvrir, mais on nous apprit qu'un joyeux garçon d'une 50aine d'années, le capitaine Joliffe, était le maître du beau vaisseau marchand, le Holger Danske, qui fait des voyages réguliers entre Copenhague et Hull, et que son fils, jeune homme plein d'avenir, était le commis de confiance de la maison Davidson, Ankersford et compagnie à laquelle appartient le Holger Danske. C'était assez, nous avions tout compris, et nous ressentîmes une véritable satisfaction à la pensée que la noble conduite du pêcheur avait rencontré des cœurs dignes de la comprendre. Il nous reste, de notre côté, un souhait à former, c'est que le Holger Danske continue toujours ses heureuses traversées. C'était « Un naufrage » par Charles Dickens.